Troisième chapitre. Pondichéry. Les pousse-pousse. La pagode de Villenour. Les renards volants. Les bayadères. Les indiens tamouls. Madras et sa barre. Un coup de vent dans le golfe du Bengale. L'oubli. Arrivé à Calcutta. 11 mars. Nous longeons tout le jour la côte est de Ceylan, dont les montagnes, bizarrement dentelées, se profile en gris foncé sur le bleu cendré du ciel. On m'avait prévenu que le Tibre était un rouleur de première force. Je m'en aperçois vite. Il est vrai que l'océan Indien est de mauvaise humeur. 12 mars. Au réveil, l'île est toujours en vue. Peu à peu, les rochers de la pointe Pedro disparaissent dans la brume. Nous mettons le cap sur Pondichéry. Vers 11 heures, la lune légèrement voilée nous permet d'apercevoir une sorte de grande traîne blanche mouchetée de quelques points brillants. C'est une terre française, c'est Pondichéry, l'humble capitale de nos possessions dans les Indes. Note. Pondichéry, 50 000 habitants. Fin de note. Notre Carona de tribord salue bruyamment cette parcelle de la patrie qui riposte par un baiser de paix non moins bruyant. Ces tendresses échangées, nous jetons l'ancre. Bonne nuit. 13 mars. Je suis réveillée par deux formidables coups de canon. Le bronze tonne en l'honneur de nos couleurs qu'on vient de frapper à notre corne d'artimon. Un employé de M. Bayol, prévenu depuis longtemps de notre arrivée, vient se mettre à notre disposition. Note. Monsieur Bayol, riche négociant de Pondichéry. Fin de note. Au même instant, une cohue d'indigènes hurleurs prend d'assaut notre pont. Les premiers rayons du soleil qui dorent les maisons gréco-italiennes de Pondichéry et le patriotisme chauvinisé par l'éloignement nous font trouver ravissante à première vue cette cité indienne gracieusement enroulée dans un manteau de verdure. Nous sommes brusquement arrachés à cette contemplation par des Indiens vêtus d'une ceinture et d'un turban qui nous déposent presque de force au fond d'un grand sabot, chelingue, monté par 8 pagayeurs. Aucune cheville n'entre dans la construction de ces sortes de canaux. Leurs différentes parties sont simplement cousues entre elles à l'aide de cordes en filasse de coco pour mieux résister, comme le roseau de la fable, aux secousses du ressac. Nous évitons ce désagréable phénomène en abordant au pier. Note, pier, longue jetée embarcadère en fer et en bois avançant en pleine rade. Fin de note. Il nous est facile d'ailleurs de juger du ressac par ces prodromes qui nous font déjà valser à je ne sais combien de temps. Quant à nos rameurs, ils ne cessent de hurler en notre honneur les litanies suivantes. Hourra pour papa! Hourra! Hourra pour maman! Hourra! Nous ne nous savions pas pères et mères d'une semblable progéniture. En voyage, on apprend chaque jour quelque chose. À peine débarqués, nous sommes chargés par un escadron compact de pousse-pousse, petite calèche très légère à 4 roues, dont 2 grandes, qu'on dirige soi-même à l'aide d'un timon gouvernail fixé parallèlement à l'axe des petites. 2 coureurs poussent par derrière. Ces pousseurs sont tellement entraînés qu'ils trottent indéfiniment et presque pour rien. Note, 1 pouce coûte 12 annas pour la journée. 1,30 francs environ. Fin de note. Nous affrétons un de ces véhicules économiques. En ma qualité de saumurien, mon ami me passe le timon. Nous défilons au trot relevé de notre attelage humain devant la statue du grand duplex à qui nous faisons le salut militaire et nous arrivons, non sans quelques zigzags dus à mon inexpérience de la conduite du pouce, à l'hôtel de M. Bayol où nous sommes accueillis avec la plus parfaite cordialité. Les présentations faites et les compliments d'usage échangés, nous décidons d'aller immédiatement visiter la pagode de Villenour, située à 8 km environ de la ville. Monsieur Bayol nous offre sa voiture et nous confie à l'un de ses fils qui veut bien nous servir de guide et d'interprète. J'affirme que notre calèche à persienne, attelée de deux Australiens, conduite par un cocher moustachu, vêtu d'orange et suivi de deux saïs, semblablement habillés, chasse-mouche au vent, aurait un fameux succès à l'allée des acacias. Après avoir traversé la ville blanche, très régulièrement construite, et franchi un canal, nous effleurons la ville noire et nous entrons dans la campagne par une belle route ombragée de grands arbres. À droite et à gauche s'étendent des rizières bordées de cocotiers, de pamplemousses, d'acajou et de palmiers. L'air, le sol et les arbres sont constellés de milliers d'oiseaux, parmi lesquels on me fait remarquer les maïnas et les milans brames. Note, maïnas, oiseau de la famille des étourneaux, dont il existe une variété infinie d'espèces. Fin de note. Les milans brames, très élégant oiseau au plumage roux et à la gorge blanche. Il est fétiche. Fin de note. Tout autour de nous, des rats palmistes, encore plus nombreux qu'à Ceylan, ne cessent de lutiner entre eux sans s'effrayer des hurlements aigus de nos saïs, hurlements destinés à faire dégager la route devant nous. Ici, comme dans toute l'Inde, chacun, suivant sa caste, a ses fonctions bien définies. Dans le cas présent, par exemple, notre cocher préférerait écraser son frère que de lui crier « gare ». Son rôle consiste à conduire ses chevaux sans accrocher. Quant aux saïs, c'est à eux qu'il appartient de panser les animaux, de les atteler et de prévenir par leurs cris, voire même par des coups, les piétons sur lesquels le conducteur va faire passer sa voiture. Tout en admirant le paysage et en étudiant les us et coutumes de ce peuple, essentiellement païen, qui considère comme fétiche les animaux et les choses utiles et comme Dieu tout ce qui lui est nuisible, redoutable ou inconnu, nous arrivons à la pagode de Villenour, dont la tête prodigieusement fouillée émerge d'une gigantesque collerette de cocotiers. Cette pagode célèbre consiste en un bas et massif sanctuaire étalé au centre d'un quadrilatère de murailles ornées de portes pyramides. C'est en cette sorte de vaste sépulcre que s'élaborent toutes les farces auxquelles les Indiens doivent une bonne partie de leur abrutissement national. Nous pénétrons sous un péristyle aux larges dalles de marbre noir, précédant un vaisseau obscur au fond duquel des lueurs vacillent confusément. Un prêtre sort précipitamment de cette sombre boîte à malice pour nous en interdire l'accès. Nous graissons honnêtement sa patte noire. Le malin encaisse, mais ne cède pas un pouce de terrain. Un nouvel essai de corruption, ne réussissant pas davantage, nous tournons le dos à cet archange mal blanchi et nous dirigeons nos pas vers la pyramide qui dresse au-dessus de l'une des portes de l'enceinte rectangulaire, sa mitre monumentale. Au point de vue architectural, c'est la pièce capitale de la pagode. Les 7 étages de ce monument sont un prodigieux amoncellement de sculptures étranges représentant un enchevêtrement de dieux, de déesses et de bêtes plus ou moins sacré. C'est une œuvre inouïe de patience et de temps, mais dont l'effet, quoique fort beau, n'est pas en rapport avec le travail qu'il représente. Nous grimpons au sommet à l'aide d'une échelle primitive en bambou, à laquelle succèdent bientôt des 3 gradins de granit. Hélas, à peine arrivé au fait, j'aspire par-dessus tout à en redescendre, car mon cœur éprouve quelques réminiscences de l'océan Indien. J'ai juste le temps d'entrevoir, à mes pieds, une mer de verdure où les rizières et les lacs mettent des taches vertentes et bleues de ciel, puis tout tourne. Au contact du plancher terrestre, j'oublie temporairement l'odieux motif trop connu. Un des sacristains de la pagode nous conduit ensuite dans un des bâtiments affectés au décor du char de la terrible Kali, la Vénus cruelle de l'Inde. Pendant que nous y examinons de curieuses et obscènes représentations en bois peint et doré, de paons, de taureaux, d'éléphants, etc., d'énormes chauves-souris voltigent au-dessus de nos têtes et s'accrochent à ces divinités subalternes qu'elles époussettent sans le moindre respect. Note. Chauves-souris, renard volant, Roussel. Fin de note. Nous regagnons la porte principale en longeant le lac sacré qui avoisine le sanctuaire. Sur ces degrés non moins sacrés, le grand prêtre et sa femme font leurs ablutions face à l'Orient. Le premier, très vieux, mais encore droit, trace sur sa poitrine et sur son front, avec le médium, les lignes blanches symboliques et égrène dans l'eau des pétales de fleurs. À côté de lui, sa compagne, excessivement jolie et toute jeune, fait non moins dévotement sa pieuse cuisine. Je dois avouer que notre présence les laisse parfaitement indifférents. Au moment où nous sortons de l'enceinte, un prêtre nous fait demander si nous voulons nous offrir un notch. Note. Notch. Danse de Bayader. Fin de note. Nous acceptons avec enthousiasme, mais non sans marchander ferme. Pendant ce temps, les vestales avariées, attachées à l'établissement, font leurs préparatifs. Nous sommes enfin d'accord sur le prix. Aussitôt, sur un des bancs en marbre noir de l'entrée de la pagode, des Indiens étendent un morceau d'étoffe sur lequel nous nous installons. En face de nous, quatre prêtres demi-nus, mais fort replets, tiraillent et tapotent leurs instruments primitifs sur le prétexte non justifié de les accorder. Et deux ravissantes danseuses, dont l'une doit avoir à peine 10 ans, se campent sérieusement devant nous. Quelques autres se groupent à proximité des patients, prêtes à payer de leur personne si nous consentons à allonger la sosoroupie. Tout un peuple aux yeux brillants de jubilation nous entoure. Les prêtres commencent le manège par des chants nasillards, empreints, malgré leur monotonie, d'un étrange cachet musical. Leurs instruments servant surtout à scander cette symphonie d'une sauvagerie raffinée. Puis les bayadères entrent en branle et débutent par nous mettre autour du cou deux gros colliers de fleurs jaunes. De quel ordre, grand Dieu, sommes-nous commandeurs? Nous nous regardons comme les deux augures, mais c'est de nous que nous rions. La décoration de nos façades terminée, nos dahs assis, avec un dandinement presque insaisissable, et tout en chantant gutturalement nos louanges, à ce qu'on nous explique, sur le même rythme que celui de l'orchestre, balancent gracieusement leurs beaux bras au-dessus de leur tête, contournent leurs doigts effilés, roulent et tordent leurs hanches, pivotent sur leurs petits pieds, précipitent puis ralentissent leurs mimiques et leurs chants, se rapprochent de nous, s'en éloignent et effleurent même les pointes de nos moustaches, tout en mirant dans nos yeux leurs grands yeux de velours. Note. Daassi, bayader en langage du cru. Fin de note. Loin d'être nus comme les danseuses d'Aden, les bayadères qui opèrent devant nous sont vêtues, trop vêtues même, au point de vue de l'esthétique, car les étoffes de soie aux vives couleurs qui les voilent ne laissent à découvert que leurs extrémités. Leur cou est surchargé de riches colliers, leurs cheveux sont entremêlés de tout un attirail de bijoux et de chaînes, à leur narine gauche pend un cercle d'or aux pendeloques de perles et d'émeraudes, leurs bras disparaissent sous les bracelets et leurs chevilles même, ainsi que leurs orteils, sont cerclés d'argent. Nous remarquons que leurs ongles sont soignés et peints en rose. Messieurs les prêtres de Siva ne se refusent rien. Au bout d'un quart d'heure de cette représentation que le peuple ambiant ne voudrait jamais voir cesser, mais dont la monotonie désarçonne notre patience, nous levons la séance. Après un rapide examen du char du dieu de l'agriculture, colossale pyramide en bite, ultra sculptée, nous visitons le village et l'église catholique. Note, bite, sorte d'acajou. Fin de note. Cette dernière est très proprement tenue. J'ignore si nous avons plu ou déplu au bayadère, mais j'affirme que nos physionomies sont parfaitement antipathiques aux chiens de ce chef-lieu de district, car ils ne cessent de hurler sur notre passage et d'allonger démesurément leurs crocs à notre intention. Entre les mollets et les lèvres, il y a encore la place pour un coup de trique. C'est évidemment la réflexion qu'ils se font, puisque malgré leur intention manifeste, ils s'abstiennent de toute attaque effective. À midi, nous sommes de retour à Pondichéry, où un excellent et copieux déjeuner nous attend chez notre hôte. Entre entremets du cru, on nous sert une sorte de grosse bécasse dont je ne puis pas savoir le nom, et en fait de dessert, beaucoup d'amandes et de fruits. J'avoue qu'aucun de ces derniers, pas même les mangues, ne vaut pour moi ceux d'Europe. Retiré dans mon vaste appartement, pendant que j'essaye de faire une heure de sieste, deux rats palmistes viennent jouer à la main chaude sur ma couche. Je préfère évidemment la familiarité de ces petits écureuils à la visite d'un serpent capello, mais outre ces animaux, de gros et violents insectes, trompettants et bourdonnants, entrent, sortent, tourbillonnent, font mine de prendre mon nez pour une fleur. Tout cela, joint à une température accablante, m'empêche de reposer. Je rejoins mon camarade, nous montons en pousse, et malgré le soleil, nous allons rendre visite à M. Drouet, gouverneur de l'Inde française. Ce haut fonctionnaire nous accueille avec beaucoup d'affabilité. De là, nous allons courir les bazars et visiter la cathédrale. Puis M. Bayol vient nous prendre pour nous faire lui-même les honneurs de la ville noire. Nous constatons de visu que notre hôte jouit ici d'une considération universelle, car chacun salue avec déférence ce courageux négociant français qui guerroie depuis 33 ans pour sauvegarder à Pondichéry l'honneur de notre pavillon national. La ville noire, située à l'ouest de la ville blanche dont elle est séparée par un large canal, a, malgré les odeurs inséparables de toute agglomération d'indigènes, un aspect séduisant avec ses belles rues bordées de grands tulipiers. Le marché noir nous intéresse particulièrement au point de vue de l'étude des mœurs et des costumes. J'y remarque, entre autres curiosités, de superbes coques de combat. Avis aux lanceurs de choses sportives. Les indigènes du sexe laid sont grands, très bronzés et maigres. Leurs membres inférieurs sont grêles comme ceux de presque tous les individus de race indienne. Note: indigènes du sexe laid, indien tamoul. Fin de note. J'ai décrit à peu de choses près leur costume en parlant de celui de mes pagailleurs. Je n'y reviendrai donc pas. Les femmes sont gracieuses au suprême degré, mais rarement jolies. La fréquentation des Européennes leur a fait adopter un mamillaire rouge, choli, qui soutient les seins, laissant à découvert les bras et le bas du buste. Quelques-unes, cependant, n'use pas de ce corset débonnaire. Un pagne de couleur éclatante leur descend de la taille au genou, au mollet ou à la cheville. Affaire de goût ou de caste. La plupart portent en plus un voile qu'elles tracassent continuellement de leurs mains effilées. Toutes sont parées comme des châsses. Leurs bras sont garnis de bracelets, d'énormes cercles d'argent battent sur leurs pieds, dont les orteils sont chargés de bagues. Leur cou disparaît sous les colliers de verroterie, le rebord de les oreilles est frangé d'une multitude d'anneaux ornés de pierres vraies ou fausses. Leur narine gauche est agrémentée d'un bouton ciselé. Souvent, à la cloison du nez, pend un cercle d'or garni de perles, représentant exactement la gourmette du mort arabe. Enfin, leur chevelure est le refuge du solde de bijoux qu'elles ne peuvent pas loger ailleurs. Malgré tout ce clinquant, leur démarche est si noble et leur distinction est telle qu'on dirait des déesses, quoique ni vous ni moi n'en ayons jamais vu. En regagnant le pier, nous passons à côté de la fontaine du gouvernement, entourée d'une multitude de femmes les unes groupées dans les attitudes les plus diverses et les poses les plus artistiques, tandis que d'autres arrivent ou s'éloignent en longues files, portant majestueusement sur leur tête des enfants de cuivre étincelants qu'elles soutiennent d'un geste sculptural. Rien ne peut donner une idée du pittoresque et du coloris de ce tableau qu'exagère encore un soleil poudroyant. Cependant, afin d'être tout à fait vrai, je dois avouer que la plupart de ces beautés, chiques avec volupté du bétel, ce qui noircit en partie leurs belles dents et souille d'un jus sanglant leurs gencives et leurs lèvres. Je dirai peu de choses des reptiles, parce que nous n'avons pas eu le temps d'en souffrir personnellement. Mais il est parfaitement exact qu'ils constituent ici un véritable fléau. Aussi, les mangoustes sont en grand honneur à Pondichéry, et beaucoup d'Européens en possèdent une dans leur maison. Note: mangoustes, sorte de gros rats, ichneumons, destructeurs de serpents. Fin de note. Au moment où nous remontons à bord du Tibre, un matelot hindou se tue raide en tombant par un panneau dans l'entrepont. Brahma, Vishnu, Siva, Avertite, Fatum. À 9h, nous cinglons vers Madras. L'océan Indien est toujours grognon. Fin de la première partie du 3e chapitre.